Je suis née à Grenelle, mon petit nom c'est Gisèle, mais tout le monde m'appelle Mimi la Rose. Ce n'est pas original comme Gladys ou Chantal, mais c'est bien plus normal car je vends des roses. Comme j'ai poussé d'ailleurs dans une de ces petites fleurs, c'est donc un peu de mon cœur que je vous propose. De boutique je n'en ai pas, mais j'ai Paris pour moi. Parler d'une veine qu'elle a, Mimi la Rose. Allons monsieur, laissez-vous faire. Un de mes bouquets c'est du bonheur pour pas bien cher. Et puis madame est si jolie, il sera très fier de vivre en sa compagnie. Je suis née à Grenelle, mon petit nom c'est Gisèle, mais tout le monde m'appelle Mimi la Rose. Les fleurs c'est de la gaieté, c'est facile à porter, mais pour les vendre, croyez, ça c'est autre chose. Un jour j'aimerais pourtant qu'un monsieur très galant, m'embrassant gentiment, m'offre une rose. Mais ces choses-là ne sont dans les romans feuilletons et pas dans la chanson Mimi la Rose. Il ne faut jamais s'en faire, je l'ai mon milliardaire. Un milliardaire d'amour, faut pas confondre, milliardaire d'amour.